L'actualité des sciences avec vous, votre chronique Fabienne Chauvière, ce sont les Saventuriers. Bonjour Fabienne Chauvière. Bonjour Eric. Alors vous avez choisi ce matin d'aborder un sujet sensible. Quel est le point commun, Eric, entre un satellite, un smartphone et un robot, ou entre une télévision et un drone? Je dirais que ce sont des objets technologiques. Oui, et tous fonctionnent grâce à des fréquences que beaucoup accusent d'être nocives pour la santé. L'Agence nationale de fréquences propose depuis peu un nouveau service. Vous pouvez demander que l'on vienne mesurer la puissance des ondes chez vous. Mais que sont exactement ces ondes? Voici l'explication de Gilles Brégand, directeur général de l'Agence nationale des fréquences. Les ondes, c'est un phénomène naturel. C'est une petite perturbation des électrons autour des atomes qui se propage très rapidement à la vitesse de la lumière. Ça traverse quasiment tous les matériaux et ça peut permettre de se priver des fils. Voilà, donc de plus en plus d'objets connectés autour de nous, des téléphones portables, des ordinateurs, et tous fonctionnent avec le Wi-Fi. On est donc soumis, Fabienne, à plus d'ondes qu'auparavant. C'est ce que j'ai demandé à Gilles Brégand et sa réponse m'a étonnée. On a de plus en plus de types d'ondes qui nous entourent, mais avec la technologie, on a aussi de moins en moins de puissance dans ces ondes. Lorsque dans l'entre-deux-guerres, par exemple, la radio s'est développée, on avait des émetteurs qui étaient extrêmement puissants parce que les récepteurs étaient peu sensibles. Aujourd'hui, on fait de la téléphonie mobile, on fait de l'Internet des objets qui sont proches, et donc on arrive à communiquer avec ces objets avec des faibles puissances. Quand on est passé de la télévision analogique à la TNT, on a également baissé la puissance des relais. Donc, plus de types d'ondes, mais moins de puissance qu'auparavant. Il y a des gens qui se disent sensibles à ces ondes. Est-ce qu'on peut s'en protéger totalement? On peut s'en protéger, bien sûr, en utilisant ce qu'on appelle une cage de Faraday. Ça fonctionne, mais pour que ça puisse fonctionner, il faut vraiment que ce dispositif soit étanche. Des textes légaux permettent de limiter la puissance des ondes selon leur type. Par exemple, pour la radio, le niveau limite est de 28 volts par mètre. On a aussi des ondes pour les téléphones portables. Le niveau limite va varier entre 30 et 61 volts par mètre. Toutes ces limitations de puissance sont vérifiées grâce aux investigations de l'Agence des fréquences. C'est donc l'Agence des fréquences qui gère l'ensemble des fréquences en France et qui s'assure que les ondes ne sont pas trop puissantes. N'importe qui peut demander à l'agence de faire des mesures à son domicile. Si l'onde est très puissante, bien sûr, il peut y avoir un danger. Et l'exemple le plus immédiat, c'est l'effet des ondes dans un four à micro-ondes qui vont finalement réchauffer la nourriture. Les seuils ont pour but d'éviter le début du commencement d'un effet thermique, puisque ces seuils sont fixés 50 fois plus bas que le déclenchement de l'effet thermique. Donc, bien sûr, les ondes à très haute puissance sont dangereuses, mais tout le système de communication qui est mis en œuvre aujourd'hui dans les réseaux sans fil se fait à des niveaux de puissance très faibles. On reproche souvent au Wi-Fi d'émettre des ondes importantes. Le Wi-Fi, en réalité, est surtout un système qui est très répandu. Mais en réalité, le Wi-Fi est un système qui est peu puissant, qui a une faible portée, il est limité en puissance. Et un laboratoire accrédité va venir chez vous pour faire des mesures. Vous allez avoir le niveau de champ qui est celui que l'on trouve dans votre séjour, par exemple, mais aussi la source de ce niveau de champ, téléphonie mobile, radio, télévision, système de sécurité. Donc ça permet aussi de voir, sur un pays comme la France, le niveau d'exposition. Et pour faire des mesures de fréquence, ou bien même pour lire la BD sur la fabuleuse histoire des fréquences, eh bien je vous renvoie à la page internet du 6-9 qui va vous rediriger vers tous les liens nécessaires.